Ça vous inquiète, hein? Ça vous inquiète, ce petit son derrière moi? Mais il n'est pas encore l'heure, ce n'est pas l'heure. Il n'est pas encore minuit. Il n'est que 23h, et de 23h à minuit, dans Mondays Extra Christmas, Mondays version classique, mais spécialement pour vous, et ben le premier bonus, enfin après mon invité qui était David Durier pour sa rétro à lui, sa rétro personnelle, Noël c'était mieux avant. Ce que vous entendez derrière moi, et ben c'est le premier morceau qui m'a été demandé pour le top rétro des auditeurs. Je vous laisse deviner pour ceux qui connaissent. Et ouais, c'est ce petit groupe qui a fait les premières expérimentations électroniques. Enfin, les premières. On va dire les premières reconnues par tout le monde et connues comme telles. Je vous parle de ce petit groupe allemand qui avait sorti un album en 1975 qui se nommait Radioactivity. Premier titre demandé, Kraftwerk Radioactivity. Jusque minuit, c'est le top rétro des auditeurs. Et dans le top 10 de la rétro des auditeurs, le numéro 9, Paperclip People, avec son Throw, issu du label Planet E. Le label de Carl Craig et Paperclip People, c'est tout simplement Carl Craig sous son pseudo Trey Dancefloor. À la place, donc numéro 8 dans le top rétro des auditeurs, les Daft Punk avec Around the World, issu de l'album Homework des Daft Punk. Dédicace aux Summer Boys, Ju et le Matou, et leur émission Summer Touch avec ce Daft Punk. We'll be right back. Daft Punk à la place numéro 7 du top rétro des auditeurs de Mondays Extra Christmas. Ghetto Brothers avec son basse manœuvre qui a fait les très très très grandes heures du Cherry Moon. À l'époque 1993-1994. We'll be right back. Et non, ce n'est pas encore la nouvelle année. Il faudra attendre une petite semaine. Ce que vous entendez derrière moi, à la place numéro 6 du top rétro des auditeurs, Paragliders, avec l'accent Guillaume, avec l'accent et son Oasis, qui a été demandé par Guillaume, et ouais, le Guillaume de Galaxy que vous pouvez retrouver chaque vendredi de 21h à 23h pour sa session progressive, mais aussi de 22h à 23h, le dimanche pour Prélude, sous le pseudo de Guillaume de Baskerville. Paragliders, Oasis. Ça se précise. 23h30, plus qu'une demi-heure à patienter après le Père Noël. Et ouais, on y croit tous. Regardez bien derrière le sapin. Il cachait derrière le radiateur aussi. On ne sait jamais. À la place numéro 5 de ce top rétro des auditeurs, encore Carl Craig. Et oui, toujours Carl Craig, il est là, présent. Pour son titre, Domina. Issu de l'album More Songs About Food and Revolutionary Art. Et ça, ça a été demandé par Sumik. Mon ami Sumik. Le DJ Deep House. Du Cambrésis. Plus qu'une demi-heure à patienter. Avant le minuit. Dépêche Mode. A Question of Time de l'album Black Celebration, sorti en 1986, à la place numéro 4 du top rétro des auditeurs. Et ouais, on y arrive tout doucement. Dépêche Mode, un petit hommage à RVU, que vous retrouvez tous les mercredis de 21h à 22h30 pour son émission Remember of Past. Place numéro 3 du top rétro des auditeurs. Rhythm is Rhythm, String of Life. Remixé il n'y a pas si longtemps que ça et ça avait refait les bonnes heures de Ibiza. Attention. Numéro 3. C'est pas encore Noël. La personne que vous venez d'entendre, c'est Guillaume. Pour Noël, on va encore attendre un gros quart d'heure. We'll be right back. of Life, Rhythm is Rhythm. À la place numéro 3 du top rétro des auditeurs de Mondays Extra Christmas. Quelques minutes avant minuit. Il nous reste deux titres à passer. A tout de suite. Place numéro 2 du top rétro des auditeurs de Mondays Extra Christmas. Ce que vous entendez derrière moi, Art Floor et son Experience. Attention, grosse montée acide avant d'arriver à minuit et d'écouter le numéro 1. Alors, on aura le droit à quoi? Pleasure Game et son Dormeur, Reese et son Rock to the Beat. Je vous laisse découvrir, on se retrouve dans un instant. We'll be right back. Joyeux Noël. Ne peut que le classer parmi les numéros 1 de la musique électronique. Merci Ju pour cette sélection. Rolando, sous son pseudo Aztec Mystique, et son anthem Jaguar sur le label Underground Resistance. Bientôt minuit, bientôt minuit, bientôt minuit, bientôt minuit. Bientôt minuit, bientôt minuit, bientôt minuit, bientôt minuit. Dira jamais assez. Oh, oh, oh, oh. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. En Et voilà, on ne vous le dira jamais assez. Joyeux Noël à tous. Il est maintenant minuit, passé de quelques secondes. Jusqu'à 1h du matin, je reste derrière les platines pour un mix un peu plus familial. Restez à l'écoute de Galaxy 95.3 FM ou sur le live.galaxyfm.com. On reste ensemble jusqu'à 1h. Je vais vous étonner, ce sera un peu plus familial que d'habitude, peut-être un peu moins électronique. En tout cas, on est là pour s'amuser, n'hésitez pas à monter le son. Si vous désirez sortir, eh ben bonne route. Et si vous restez chez vous, poussez les meubles et c'est parti pour une bonne heure de musique qui groove. À tout à l'heure. And Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house," and house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house. And in my house, there is only house music. But I am not so selfish, because once you enter my house, it then becomes our house and our house music. And you see, no one man owns house, because house music is a universal language spoken, understood by all. You see, house is a feeling that no one can understand really, unless you see into the vibe of house. House is an uncontrollable desire to jack to your body. And as I told you before, this is our house and our and in this house, the keeper is...

rushing every day for all my life. I'm used to it and I need it. It's the only thing I want is just to rush. Push, cash. Every day for all my life, I used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. The only thing I want is just to rush, push, cash. sure you heard what happened to her, child. Go and get her. Bring her in. This is the reason why you seen her. Cause God wants you to go and get her. God wants you to love your brothers and sisters. Shy. Christmas on Galaxy. Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Merry Christmas on Galaxy.